On va parler de football, c'est la chronique du samedi matin avec notre ami Marc Diquet de Radio X Saguenay. Salut Marc! Salut Danny, ça va bien? Marc est à Montréal, oui ça va bien, ça va bien. T'es à Montréal au Canadien ce soir, j'écoutais ça à Radio X hier, tu vas être avec, tu vas interviewer Charles Hudon? On devrait parler après le match, effectivement, là, si tout va bien, si tout va comme prévu. Ok. Mais je te dis qu'à Montréal, présentement, ça a pas l'air beau. Là. Moi, chaque fois que je viens à Montréal, j'attire le beau temps. Il y a une grosse tempête de neige présentement. Là, que ok. J'ai hâte de voir la journée que je vais passer. Ah, hier, c'était dégueulasse hier. J'étais allé à Delisle hier, puis je peux te dire une affaire. Le mercure a baissé de 10 degrés en une heure. Mais bon, c'était sa belle glace bleue. Puis quand je suis parti, c'était évidemment sa belle sphère. Puis quand je suis revenu, c'était épouvantable. J'écoutais justement ton poste avec Richard Courchain hier, puis les gens appelaient pour dire que c'était de faire très très attention, là. Ah non, c'était pas. Puis moi, j'ai eu de la pluie tout le long de mon temps, puis on voyait quasiment rien. Là. Okay. La grosse brune dans le coin de Trois-Rivières, c'était épouvantable. C'était un drôle le mois de janvier. Ben ouais, mais regarde, là, commencez pas à dire que c'est le réchauffement de la planète. On a toujours vu ça, là. Au moins une fois ou deux par année, il y a toujours eu ça. Ben ouais. Marc, quelle fin de semaine. Comment t'as été tes prédictions semaine passée, toi? Ben, c'est un 50%. Moi, c'est 1 à 4. C'est 1 à 4. C'est sûr que j'ai joué avec. J'ai risqué avec les Bills de Buffalo. Je savais que je risquais, mais c'est pas grave, c'était le fun. Mais j'ai regardé les matchs, puis c'est là que tu vois que c'est pas la même gestion en éliminatoire qu'en saison. Hein. Il y a des entraîneurs que tu comprends pourquoi ils ont perdu, puis qu'ils n'ont jamais rien gagné. Puis surtout le match entre les Jaguars et les Bills, t'as vu une certaine nervosité là, entre les deux carrières. Ouais. Tu sais, si Tyrod Taylor avait performé le moindrement, je pense que les Bills pouvaient gagner ce match-là. Là. C'était terrible ce match-là, comme c'est une démonstration de mauvais carrière, là, de mauvais jeu. C'était un match plate. Peut-être qu'ils ont même mis sur les réseaux sociaux, ça ressemblait à un match des Canadiens. c'est quasiment un chien de dire ça, là, mais c'est quasiment ça pareil. Non, puis, tu sais, il y a eu des surprises la semaine passée, puis je pense qu'on a eu une bonne première fin de semaine. Là. Reste à voir en fin de semaine de quoi ça va avoir l'air, mais on a eu une bonne première fin de semaine. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais Marc, moi, ce que je veux dire, c'est dans la gestion. Ouais. Tu sais, on comprend pourquoi Andy Reid n'a jamais rien gagné. Quand tu vois un match comme la semaine passée, t'as un des meilleurs porteurs de ballon, Kareem Hunt. Tu mènes 21-3 à la demi. C'est quoi? C'est d'utiliser ton porteur de ballon et puis d'écouler le temps. Puis on l'a très peu vu, Kareem Hunt. Puis c'est la même chose avec les Rams. Mais quoi que c'était moins pire ce match-là pour la gestion. Là. Todd Gurley, on l'a quasiment pas vu non plus. Non, puis tu sais, tu parles du match des Chiefs. Mm. Tu sais, quand Kelsey s'est blessé en plus. Ah ouais, c'était différent. T'avais-tu une bonne raison aussi de donner le ballon au sol? T'avais une maudite bonne raison supplémentaire, tu sais. Ouais. Puis, non, on l'a pas fait. Puis, Andy Reid, c'est plate à dire, mais il a une réputation un peu, puis j'aime pas utiliser ce mot-là, mais. Il n'a jamais rien gagné. De choker en série, tu sais. Ouais. Puis malheureusement, ça l'a prouvé être les Chiefs. Et là, il y a plusieurs rumeurs qui disent que les Chiefs, on pourrait échanger Alex Smith, puis aller vers une. Pat une reconstruction. Reconstruction, ouais, j'ai hâte de voir. Ouais, ben là, je sais que Laurent Duvernay-Tardif, lui, espère que non. Sauf que, tu sais, puis c'est une division 16. C'est une division qui est quand même. Écoute, je pense que les Chargers de Los Angeles sont en montée. Les Raiders d'Oakland avec John Gruden, ça va être très intéressant. Je pense que j'ai hâte de voir Gruden. Et également, c'est sûr que Denver, ils n'ont pas de carrière, mais c'est John Elway. Puis John Elway ne laissera pas couler l'équipe à la dérive de même. Fait que, tu sais, c'est une division quand même qui est appelée à être très, très compétitive. Là. Absolument. Puis moi, je ne suis pas sûr qu'il a laissé partir Alex Smith cette année. C'est une si bonne idée que ça. Là. On risque d'avoir. Ben, tu sais, on va laisser la saison finir, mais notre saison risque d'être intéressante. Là. Ouais. Hey, je veux te parler de. C'est que tu penses contre Gruden, 100 millions. Es-tu d'accord avec moi que Marc Gruden, là? C'est ça vaut 100 millions. Pour les Raiders, il est beaucoup plus. Il a une valeur beaucoup plus grande qu'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'ailleurs il y aurait 100 millions. Mais parce que c'est les Raiders, parce que c'est M. Raiders, pour le sortir d'ESPN, ça prenait beaucoup, beaucoup de sous. Et ça, écoute bien, t'es d'accord avec moi là-dessus? Oui et non. Ouais. Oui, c'est. Tu sais, M. Raiders, il faut pas oublier qu'il a gagné un Super Bowl à Tampa Bay. Là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que John Gruden est tellement connu, dû à son travail avec ESPN, ouais. que. Bon, c'est sûr qu'une équipe d'un petit marché, ça aurait Ben non, ça passera pas au silence tant que ça. Mais non, je pense que peu importe où le gars est allé, avec un contrat de 100 millions, ça peut pas faire autrement qu'un splash. Là. Ça peut pas faire autrement. Tu sais, McGruden à Chicago, par exemple, ça aurait fait autant jaser, je pense. Je pense, je suis convaincu que ça aurait fait autant jaser. Ben, c'est un grand marché. Là. C'est un gars populaire, tu sais. Moi, je le regardais parler, parce que j'ai regardé la conférence de presse, puis je suis tombé sur une entrevue après la conférence de presse. Ouais. Puis, écoute, il m'a quasiment donné le goût de prendre Play Raiders l'an prochain. Tu sais, il est vendeur, il est charismatique. Honnêtement, moi, il m'a donné le goût de prendre Play Raiders l'an prochain. Les gens qui se posent des questions, ça fait longtemps qu'il n'est pas là. Ben, écoute, Dick Vermeil. Rappelle-toi de Dick Vermeil. Il a fait longtemps de la télévision, il est revenu. Puis ça a été quand même concluant. Je pense que Bill Walsh avait fait un peu de télévision également. Quelques années à peine, là. Ça a pas été long, Bill Walsh. Là. Dans le cas de John Gruden, là, c'est parce que ce gars-là, oui, il est analyste à la télévision à ESPN, mais c'est parce que c'est plus que ça. C'est parce qu'il y a une chronique aussi. Ses entrevues avec les carrières. Tu sais, il fait des cliniques de carrière. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, là, contrairement au hockey ou sur le chasse gardée, les analystes de football, il y en a qui vont assister à des meetings d'équipe, qui vont. Puis c'est le cas de John Gruden, tu sais, ce gars-là. Il arrivait. Pierre Vercheval écrivait sur. Le site d'RDS sa chronique. Il disait que Gruden arrivait le jeudi pour le match du lundi pour sa préparation. Donc, ça, c'était. Puis il parlait au coach, il parlait aux joueurs. Ouais. Pas pour rien qu'il y a pas une chose avec Olson et Gunter comme adjoint, là. Il est pas pire non plus. Il est pas mal pris, là. Puis, tu sais, il est pas vieux non plus. Quand un coach part 10 ans puis il arrive à 65, 70 ans, là, tu peux faire, ouais, ok, peut-être. Puis encore aujourd'hui. Mais Gruden est dans sa antenne, il n'y a rien, là. Il n'y a vraiment rien. Au contraire, même, peut-être que son absence, c'est peut-être un pas qui va être très, très, très favorable pour lui, là. Tes prédictions pour la fin de semaine. On va commencer par le match de 16h30. C'est pas très dur à prédire. C'est rare que ça arrive, mais la sixième équipe est nettement favorite contre la première. Évidemment, la blessure de Carson Wentz a changé complètement l'allure des Eagles de Philadelphie. Donc, moi, je vois que les Falcons. Je t'embête, Danny. Tout le monde, tu sais, les Falcons sont favoris. Ouais. Faut pas oublier que les Falcons ont une saison d'anti. Le match est quand même à Philly. Puis, tu sais, la défensive des Eagles est loin d'être mauvaise. Puis, elle va être là. T'as une option de jouer au sol. Écoute, j'ai quasiment le goût de te dire que les Eagles vont emporter ça serré. Ben, moi, je vais y aller avec les Falcons. J'ai quasiment le goût de te dire ça. Actuellement. Que 10 passes de toucher, aucune interception là, dernièrement. Moi, je vais y aller avec les Falcons. Les Titans contre les Pats, ça, c'est un match quand même intéressant. Les Titans, s'ils veulent gagner, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Marc, mais ils devront utiliser l'attaque au sol. L'attaque au sol des. La défensive des Pats contre l'attaque au sol est 31e. Donc, je ne sais pas, j'ai pas vu. Est-ce que Murray va jouer? La dernière fois que j'ai vu, c'est que c'était un coin certain encore. C'est ce que j'avais vu aussi, moi, de mon côté, que c'était un coin certain. Ouais, j'avais vu que c'était un coin certain. Avec Evan. On n'a pas vu d'autres nouvelles là-dessus, mais écoute, Henry a pas mal fait la semaine passée. Mais c'est clair que les Pats devront, si on veut gagner du côté des Titans, on devra utiliser ta console. Et Marcus Mariota, c'est une passée, Mariota, écoute, il a-tu couru la balle? Incroyable, là. Il sera pas là, Danny. Il sera pas là, tu viens de voir, OK. Non, il sera pas là. OK. Donc, oui, Mariota, il a-tu couru avec la ballon la semaine passée? C'est impressionnant. Ouais, c'est un corps très mobile, Mariota. Ouais. Un corps très, très, très mobile. Mais tu sais, ce match-là, Danny, là, j'étais allé voir les odds à Vegas là. Et écoute là, si tu mets une pièce sur les Titans, ça te donne 7 pièces. Ah, c'est ça que c'est vraiment. Les Patriots sont favoris par honnêtement là, je vois pas comment, à moins d'une blessure par le match à Tom Brady puis quelque chose de spectaculaire, je vois pas comment en plus le match à New England à Foxborough. oubliez ça, là. Les Titans, c'est beau ce qu'ils ont fait la semaine passée, mais ça va s'arrêter là. C'est sûr que ça s'arrête là. OK. De Jaguars Steelers, les Steelers, écoute, Big Ben, quoi se pardonner? Les Jaguars avaient, en début de saison, avaient battu les Steelers à Pittsburgh, ouais. Au Heinz Field. Par contre, je pense que là, ça va, Big Ben, ça va être intéressant à suivre. Ben, 5 interceptions, je pense que ben, Roethlisberger avait eu dans ce match-là, c'était épouvantable. Ouais. Mais la façon que Blake Bortles a joué à ce moment passé. Honnêtement, là, si vous avez deux matchs à manquer, là, je pense que celui qu'on va venir de parler des Titans, celui des Steelers, ça fait partie des matchs qui sont. Tu sais, puis en plus, on veut tous un match entre les Patriots puis les Steelers, puis je pense qu'on va l'avoir la semaine prochaine. Là. C'est une formalité. Là. Mm. Jacksonville, puis malgré que leur défensive est très bonne, est sous-évaluée tant qu'à moi, oubliez ça. Là. Oubliez ça aussi. Ce match-là sera un no contest aussi, j'ai l'impression. Là. Ouais. Et le dernier match que moi, écoute, moi je l'ai dit la semaine passée, l'équipe qui va se rendre qui va gagner ce match-là va se rendre au Super Bowl pour la conférence nationale. Les Vikings sont une excellente défensive. Par contre, je sais pas que. Tu sais, j'ai parlé tantôt des matchs éliminatoires, comment c'est différent en match éliminatoire. Je suis pas sûr que Case Keenum, c'est la solution. Il a bien fait en saison, mais je suis pas sûr encore que Case Keenum est la solution pour mettre les Vikings à la terre promise. Moi, je pense que oui. Okay. Le coach là-bas, Zimmer, prépare très, très bien son équipe. Le match est au Minnesota, qui est un endroit qui n'est pas facile pour les équipes adverses. Drew Brees, par contre, la semaine passée, a été fantastique, a été fabuleux. Fait que, moi, je vais avec les Vikings, je vais avec l'équipe locale. Puis j'aimerais ça voir les Vikings là. Pourquoi que j'aime pas les Saints, mais j'aimerais ça voir les Vikings à ce niveau-là. Puis, écoute, la défensive des Vikings, puis c'est qu'est-ce qu'il y a, je suis d'accord avec toi, Danny. On en a douté toute l'année. Mais j'ai l'impression que ça fera pas la différence dans ce match-là. Ça sera un match très serré, par contre. Là. Ouais. Moi, je vais avec les Vikings. OK. Ben, Marc, on va tuer bon match ce soir. Boston-Canadien, c'est sûr que c'est une belle rivalité. C'est sûr que c'est moins grand cette année parce que les Bruins vont tellement bien. Toi, tu vas être avec Charles Hudon, normalement. On va écouter ça à Radio X lundi? Mardi, probablement. Mardi, OK. Voilà, donc nous, on s'en parle la semaine prochaine, non? Oui, pas de problème. Voilà, donc Marc Tiquet de Radio X, Saguenay.